ta colline au nerf jaune. Rouen, Rouen, décroche Rouen, Rouen, viens ici Rouen, Rouen, décroche Rouen, Rouen, viens ici Rouen. Fonceur invétéré courant derrière des belles, toujours pas lancé. Fin limier, pêtre et futur discours et surtout les bruits venant. Rouen, Rouen, décroche Rouen, Rouen, Rouen, viens ici Rouen, Rouen, Rouen, décroche Rouen, Rouen, Rouen, viens ici Rouen, viens ici Rouen, viens ici Rouen. Rouen, Rouen, chante à nos Rouen et non Rouen, pas mes chaussons et Rouen, Rouen, chante à nos Rouen et non Rouen, pas mes chaussons, pas mes chaussons, pas mes chaussons et merde. C'est quoi notre pétalier et son allure incongrue? N'ignorez pas dire Rouen, vos fois c'est pas d'odorat à la fut perversité absolue. Take ça à quatre pattes, stay chaîne et pète des lattes. Sniff, sniff, qu'est-ce que je niffe, t'es les pouces, sniff, sniff, sniff. C'est ce que je kiffe, t'es les pouces, sniff, sniff, sniff. Qu'est-ce que je niffe, t'es les pouces, sniff, sniff, sniff. C'est ce que je kiffe, t'es les pouces, sniff, sniff, sniff. Qu'est-ce que je niffe, t'es les pouces, sniff, sniff, sniff. C'est ce que je kiffe, t'es les pouces, sniff, sniff, sniff. Qu'est-ce que je niffe, t'es les pouces, sniff, sniff, sniff. Prends ton kit, sniff. Rouen, Rouen, décroche Rouen, Rouen, Rouen. Viens ici Rouen, Rouen, Rouen, décroche. Rouen, Rouen, Rouen, viens ici Rouen, viens ici Rouen, viens ici Rouen.